Salut à tous et bienvenue sur le WB Jappies Radio Show pour l'émission 1 pour 7, 7 pour 1. Une sélection de 7 titres comportant un mot en commun. Pour cet épisode de 1 pour 7, nous allons creuser un trou pour y déposer les chansons de Mercury Rêve qui nous chantent Halls, des 2006 et leur Hellish Hall, ainsi que Super Heaven et The Scratch avec Hole in the Ground, un trou dans le sol. Drop like flies. Thank you.

reste avec Hole in the Ground pour cette deuxième partie de 1 pour 7, avec David Bowie, Porridge Radio et Black Sabbath qui terminent en faisant un trou dans le ciel, Hole in the Sky. The phone, I will come when it's right, and I will stay all night. For I see something bad just looking above me, just looking above me. I see a hole in the ground. I see a hole in the ground, but there's no one around. The machines are asleep. Then I'm quick on my feet, and I'm running to you, just looking about me, just looking about me. Hungry for Take off all of my clothes and run to your house. We're in place of a door. Is a hole in the ground. And I dead with salt. The hard bits of my heart, they fall into the hole and they tear it apart. Wash off the dirt and the sand of my eyes. Leave this fog up and under a kind of disguise. The end of the world, not a cloud, not a ghost. Put your head against mine and teach me how it goes. Slows and starts again. You turn around and call the end. We'll be right back. ça vous a plu? Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de 1 pour 7, 7 pour 1. Salut!